Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Barque sur le Nil, je vous propose un voyage dans la fascinante Égypte antique. Voici des pharaons, des dieux et des animaux qui eux-mêmes sont des dieux. Et voici des travailleurs pour la plus ancienne grève connue. Bâtisseurs de pyramides, unissez-vous. C'est un voyage dans le temps, avec les orientalistes et les scientifiques, Champollion et de la partie, mais aussi un voyage dans nos représentations. Pourquoi les pharaons noirs ont-ils été oubliés ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Passion Égypte. En 1852, un prospectus est diffusé pour annoncer la publication très attendue d'un ouvrage de Maxime Ducamp. Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850 et 1851. L'ouvrage que nous annonçons a le double intérêt d'une publication archéologique et daguerrienne, pittoresque et savante. Nous n'insistons pas sur l'attrait qu'offrent les voyages si curieux de Monsieur Maxime Ducamp. Les pays qu'il a parcourus ont été le berceau même des civilisations et des religions. Moïse, Alexandre, Pompée, César, Jésus-Christ, Mahomet, Lucien, Napoléon et Chateaubriand les ont tour à tour fécondés par le glaive ou par la parole et les ont immortalisés de leur glorieux nom. Barque sur le Nil, voyageons en Égypte avec les orientalistes. Sylvain Venner, bonjour. Bonjour. En 1852, quand paraît cet ouvrage de Maxime Ducamp, fruit de son voyage en Égypte, en Nubie, en Palestine et en Syrie, nous sommes héritiers d'une longue tradition du voyage. Il faut bien rappeler que la passion égyptienne est ancienne. Elle ne s'arrête pas vraiment. Oui, alors non, enfin, c'est très ancien bien sûr. Après, Ducamp est peut-être héritier d'une histoire moins ancienne que ça, puisqu'il est fondamentalement, lui... Et Gustave Flaubert, avec qui il voyage, sont les héritiers des voyageurs en Orient. Or, ce motif du voyage en Orient, la littérature qui va avec, à ce moment-là, c'est quelque chose qui a un demi-siècle, pas tellement davantage. Effectivement, rapporté à l'échelle du temps, c'est un temps court. Mais Maxime Ducamp part avec des idées en tête. Gustave Flaubert aussi, ils ont déjà lu des ouvrages. Ce ne sont pas les premiers à découvrir ce monde. Non, et d'ailleurs, la plupart des voyageurs de cette époque partaient après avoir lu. Cette idée qu'on allait découvrir un espace résolument vierge, en étant soi-même vierge de connaissances, c'est quelque chose qui arrive plus tard avec certaines formes du tourisme et puis une mystique de l'aventure qui sont plus tardives. On lit d'abord, on va vérifier sur place ce qu'on a lu. D'ailleurs, on n'a pas besoin de voyager pour être un grand découvreur puisque ce fameux Champollion qui déchiffre les hiéroglyphes les déchiffre sans être allé en Égypte. Oui, pas besoin d'aller en Égypte pour connaître l'Égypte et pas besoin de voyager pour saisir l'impression même du voyage. Sarga Moussa, bonjour. Bonjour. Il est possible de parler d'un engouement au 19e siècle pour le récit de voyage. C'est un genre très particulier mais qui connaît un succès considérable. Oui, alors... Comme le rappelait Sylvain, effectivement, le voyage proprement littéraire est quelque chose qui date du 19e siècle. On peut le faire commencer un petit peu avant, si on veut, mais il y a un consensus pour dire que Chateaubriand, avec l'itinéraire de Paris à Jérusalem, fait entrer le récit de voyage en littérature. Hein, il apparaît, il se veut lui-même comme un homme de lettres allant en Orient. Et il va y chercher, comme il dit, des images pour illustrer les martyrs qu'il est en train d'écrire au même moment. Et il lance en même temps... Bon, Chateaubriand est double, hein, il est né au XVIIIe siècle, il a un pied malgré tout dans ce siècle-là, mais il veut ouvrir la carrière des voyageurs en Orient. Hein, et c'est bien ainsi qu'il a été reçu. Ce qui fait que quand Lamartine va en Orient, par exemple en 1832, eh bien, non seulement il va en Orient, mais il va sur les traces de Chateaubriand, ou plus exactement à côté des traces de Chateaubriand, puisqu'il ne cesse de vouloir s'en démarquer. Hein, c'est à la fois, c'est une relation double, n'est-ce pas, qu'entretiennent les voyageurs avec ce père, cette figure tutélaire un peu encombrante, hein, dont on cherche auquel parfois on cherche à rendre hommage, mais parfois aussi à s'en débarrasser. Passionnante en fait cette double démarche du voyage, découvrir et être suiveur, essayer de découvrir les traces de ceux qui sont passés là auparavant. Mais Sylvain Venner, vous nous expliquez que voilà à peu près 150 ans, au milieu du 19e siècle, il existe une relation particulière avec l'Égypte. Cette relation égyptienne naît au 18e siècle. J'insiste sur cette idée-là parce que bien souvent, nous mettons la campagne de Napoléon à la toute fin du 18e siècle comme l'élément fondateur. C'est un accélérateur. Il y a déjà un goût pour l'Égypte avant la campagne de Bonaparte en Égypte. Bah oui, la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Napoléon part avec une sorte de vade-mecum du voyageur en Égypte, qui est le récit de voyage de Volney, qui va le guider et qui va guider ses hommes pendant l'expédition de 1798. Après, c'est quand même une rupture malgré tout, hein. Ne serait-ce que à cause des présupposés politiques de l'expédition et de ses conséquences également politiques. Bonaparte, à l'époque, prétend tout de même à débarquer en Égypte pour libérer les Égyptiens. Hein, il s'agit de libérer les Égyptiens de l'Empire ottoman. Et à partir de ce moment-là, présenter ce qui sera présenté ensuite pendant tout le 19e siècle, cette grande expédition comme une expédition qui fait entrer l'Égypte dans la modernité. Et d'ailleurs, il faut aussi insister là-dessus, parce que par la suite, les pachas d'Égypte, à commencer par Mehmet Ali, vont eux-mêmes mettre leurs pas dans les pas de Napoléon, se présenter comme, à leur tour, les libérateurs des Égyptiens et les introducteurs de la civilisation en Égypte. Et parce qu'on a un petit peu tendance, souvent, quand on fait l'histoire des voyages, à la voir uniquement depuis le point de vue des voyageurs. Donc depuis un point de vue qui est très occidental, qui est très européen, comme si l'Égypte était une sorte de cire molle sur laquelle viendrait s'imprimer le désir européen, en quelque sorte. Or, ce qu'on sait aussi, c'est que Mehmet Ali et par la suite ses successeurs vont être d'ardents propagandistes de l'idée égyptienne en Europe. L'historien Henri Laurence défend même cette idée que la politique de Mehmet Ali vis-à-vis des Européens, par exemple quand il accueille les Saint-Simoniens en 1833, c'est la première des grandes opérations de propagande imposées par un pouvoir musulman en direction des Occidentaux. Avec ce lien très privilégié que nous avons avec l'Égypte, ce moment Bonaparte en Égypte est essentiel par l'image de propagande, nous le voyons bien. Mais vous avez évoqué, Sylvain Venner, cette Égypte dominée par les Ottomans. Il y a les Mamelouks. Quel regard pouvait-on porter sur l'Égypte à la fin du XVIIIe siècle? Avant même d'y aller, le voyageur imaginait l'Égypte comment? Alors, on peut même dire, peut-être, sans s'y attarder trop longtemps, que l'Égypte est en fait connue depuis l'Antiquité. Et les voyageurs du 18e, qui étaient eux-mêmes des voyageurs très cultivés, avaient en tête des images véhiculées depuis l'Antiquité, aussi bien d'ailleurs bibliques que païennes. Et voilà, pour faire simple, disons que... traditionnellement, il y a un double imaginaire qui nous vient de l'Antiquité, un premier imaginaire très optimiste, euphorisant, hein, une Égypte comme lieu de sagesse, par exemple. Là, c'est la référence à Platon, hein, qui serait allé chercher la sagesse en Égypte, comme lieu aussi de fécondité. On trouve ça chez l'historien Hérodote. L'Égypte est un don du Nil, hein. On se doit de rappeler cette formule que tout le monde a en tête et que tous les voyageurs ont en tête et qui est vraie par ailleurs. L'Égypte, c'est ça, en effet, hein. C'est 96% de désert et puis, je crois, hein, et 4% de territoire qui existe dans les marges du Nil et dans le delta. Voilà. Et puis, il y a un imaginaire également négatif. Qui vient en partie de la Bible, hein, c'est le lieu de la superstition, il y a des magiciens qui ne savent pas interpréter les songes de Pharaon, hein, c'est dans la Genèse. Et puis, chez Hérodote lui-même, hein, il y a un imaginaire double chez Hérodote, il y a aussi l'idée que Il y a des tyrans, même si le mot n'est pas... Enfin, il existe hein, dans la Grèce antique, mais il n'a pas le même sens. Mais il y a des despotes, hein, il y a des oppresseurs. Et ceci, alors, va être très... va, comment dire, recevoir une écoute, un accueil tout à fait important au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, n'est-ce pas? Et cette idée que les pyramides, par exemple, sont en réalité de barbares ouvrages, c'est l'expression qu'emploie Volney que tu citais, Sylvain. Hein, Volney qui est donc un philosophe, disons, enfin qui a des, une formation pluridisciplinaire, mais qui voyage vraiment en réfléchissant et en stigmatisant ce qu'il pense être le despotisme oriental, hein, il a une vision absolument noire de l'Égypte, province ottomane à l'époque. Eh bien, les pyramides, contrairement à ce que nous croyons aujourd'hui, à ce que tout ce que nous pourrions penser, pour beaucoup de gens du XVIIIe siècle, pour lui, mais aussi pour Voltaire, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est d'abord le signe d'une vanité. Hein, c'est la vanité des pharaons. Quelle idée, n'est-ce pas, de se faire construire un tombeau aussi extraordinairement voyant, fait pour durer. Et puis, par ailleurs, l'idée de l'exploitation des ouvriers. Il y a une vraie, véritable réflexion hein, sur ce que ça a coûté pour les faire, ces pyramides. Alors, voilà un élément, n'est-ce pas, important dans l'imaginaire égyptien au XVIIIe. Ce n'est pas le seul. Je termine en disant qu'il y a aussi Volney un rival, hein, mais un rival qui n'aura pas une postérité aussi grande que lui, qui s'appelle Savary, qui est lui-même un orientaliste au sens académique du terme, un traducteur du Coran, quelqu'un qui a fait une grammaire arabe et quelqu'un qui voyage en Égypte et qui donne une image tout à fait idéalisante du delta, mais en réalité c'est une image quasiment rousseauiste. Enfin, il y a derrière, il y a du Virgile pratiquement chez lui, il y a une projection très très forte. Donc si vous voulez, il y a deux imaginaires concurrentiels hein, au XVIIIe siècle, mais l'Égypte noire est peut-être prévalente. Saria Moussa, quand Bonaparte arrive en Égypte en 1798, il est porteur de ces deux images, la fascination pour l'Antiquité et puis l'oppression. Alors ce n'est pas seulement l'oppression des pyramides, c'est l'oppression du moment de ses contemporains, les Mamelouks. Il y a ce double jeu. Oui, c'est ça. Alors, il vient, dit-il, libérer l'Égypte du joug turco-mamelouk. Hein, c'était effectivement l'expression employée, les Mamelouks. Était historiquement une ancienne milice d'esclaves, mais qui avait pris le pouvoir et donc qui avait obtenu le titre de sultan et qui finalement s'était un petit peu émancipé même de cette tutelle ottomane, hein, qui était devenue les véritables maîtres de l'Égypte. Et Bonaparte dit plus encore que cela même, et il est peut-être temps aussi de rappeler la conséquence culturelle, comme on dit, de cette expédition d'Égypte désastreuse sur le plan militaire. La conséquence culturelle, c'est la description de l'Égypte, hein, donc immense ouvrage en plus de 20 volumes divisé en état moderne, état ancien, avec toute une partie iconographique. Et dans le premier volume de cette description de l'Égypte, il y a une longue préface de Joseph Fourier qui explique bien, en bon propagandiste, que non seulement on va libérer les Égyptiens, hein, comme d'autres aujourd'hui veulent libérer des peuples frères, n'est-ce pas, dans une Europe proche de nous, mais il veut rendre à l'Égypte les lumières que l'Occident leur a apporté. Hein, c'est particulièrement, je dirais, subtil, perfide et hypocrite un peu quand même. Et nous ne le dirons jamais assez, mais dans l'expédition de 1798 de Bonaparte en Égypte, il y a évidemment des objectifs militaires, couper la route des Indes aux Anglais, mais c'est une expédition scientifique avec des noms de renom, et notamment celui de Vivant Denon. Au premier rayon du jour, je retournai saluer les pyramides. J'en fis plusieurs dessins. Je me complaisais sur la surface du Nil, à son plus haut point d'élévation, de voir glisser les villages devant ces monuments et composer à tout moment des paysages dont elles étaient toujours l'objet et l'intérêt. J'aurais voulu les montrer avec cette couleur fine et transparente qu'elles tiennent du volume immense d'air qui les environne. C'est une particularité que leur donne, sur tous les autres monuments, la supériorité extraordinaire de leur élévation. La grande distance d'où elles peuvent être aperçues les fait paraître diaphanes, du ton bleuâtre du ciel, et leur rend le fini et la pureté des angles que les siècles ont dévorés. Daniel Königsberg, qui est vivant Denon, pour ce moment particulier où Denon réfléchit aux pyramides, voit les pyramides, il y est. Sargamoussa, cette émotion liée à l'Antiquité est quelque chose qui explique aussi cette passion pour l'Égypte. Oui, bien sûr. Là, je dirais que, pour commenter tout de même cette citation que vous venez de lire, c'est peut-être moins la passion de l'Antiquité que la passion d'un artiste qui porte un regard d'artiste sur ces pyramides. Et ça, justement, c'est ce qui est totalement nouveau, n'est-ce pas, dans ce regard de Denon par rapport à ce que je viens de vous dire sur Voltaire et Volney. Hein. Et c'est le grand paradoxe, finalement, de ce vivant Denon, Dominique vivant Denon, hein, à la fois écrivain, artiste, auteur d'un conte libertin, graveur, qui avait fait d'ailleurs d'autres voyages auparavant, notamment en Italie avec l'abbé de Saint-Nom, qui a mené une carrière diplomatique, enfin qui est un homme riche, multiple, eh bien, et qui a fait des pieds et des mains pour aller en Égypte. Il a réussi à convaincre Bonaparte, n'est-ce pas, de pouvoir y aller, et il y est en tant que chroniqueur. Hein, c'est-à-dire qu'il rapporte, en effet, un récit qui est une chronique, et il ramène un millier de dessins, c'est absolument énorme. Eh bien, ce vivant Denon, qui forcément va en Égypte sous la houlette de Bonaparte, grâce à Bonaparte, qui même fait des dessins, dit-il, c'est très amusant, il explique que parfois il demande à un soldat de se pencher, n'est-ce pas, pour qu'il lui serve de support, pour qu'il puisse dessiner. Bon, puis il s'en plaint en même temps, parce que tout le temps les soldats courent après les mamelouks, alors il n'a pas le temps de terminer son dessin, il faut courir, toujours courir, courir vers le sud. Eh bien, ce vivant Denon qui est complice, si l'on veut, hein, c'est un complice, dirions-nous d'un point de vue historique et idéologique, eh bien, il dit des choses tout à fait personnelles, surprenantes, différentes. Il fait sortir, je dirais, l'Égypte de l'idéologie et il y introduit une vision esthétique, personnelle, n'est-ce pas, des pyramides avec cette air diaphane, n'est-ce pas, dont il parle. Et certains voyageurs commenteront par la suite aussi, sans, je ne sais pas s'ils ont tous lu de nom, mais c'est assez probable. C'est un des tout premiers voyages en Égypte au XIXe siècle, n'est-ce pas. Donc on va beaucoup commenter aussi les illusions d'optique, le fait que les pyramides ont l'air elles paraissent plus petites quand on s'approche. Enfin, il y a des choses qui sont étranges du point de vue phénoménologique. Et tout ça intéresse beaucoup vivant Denon, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour terminer sur lui, on peut signaler que ce que je dis n'est peut-être pas si paradoxal, en ce sens que c'était un homme assez habile, hein, ce futur directeur du musée du Louvre, ce qui n'était pas encore le Louvre, bon, mais qui va le devenir. Eh bien, en 1802, il publie son voyage dans la Basse et la Haute-Égypte, mais il coupe l'herbe sous les pieds à tout le monde. La description de l'Égypte, le premier volume n'en paraît qu'en 1810, daté 1809. Donc, il a irrité, hein, en faisant ça. Bon, mais nous en sommes reconnaissants. Nous en sommes reconnaissants parce que la description de l'Égypte, mais c'est un monument, c'est cette publication qui est un des éléments qui explique cette passion pour l'Égypte, avec évidemment sans cesse au centre de toutes ses préoccupations, les pyramides. France Culture. Messieurs, des pyramides. 40 siècles d'histoire nous contemplent. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Sylvain Venère, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes. Dans vos études sur ce phénomène extrêmement particulier, magique et qui nous emporte très loin, qu'est le voyage et qui parle d'où on parle, qui parle aussi de la personne qui voyage, il y a le moment Égypte. Qu'a de particulier l'Égypte pour ces voyageurs du XIXe siècle? Ah bah, tout ce qu'a dit Sargamoussa tout à l'heure, hein, C'est le cœur du voyage en Orient, d'une certaine façon, dont d'ailleurs on voit très bien avec Vivant Denon qu'on n'a pas attendu Chateaubriand pour manifester ses émotions, ses sentiments devant le spectacle du monde. Et qu'il n'y aurait pas un avant Chateaubriand qui serait caractérisé par des voyageurs qui seraient des voyageurs savants, qui viseraient à mesurer le monde, et puis des voyageurs post-Chateaubriand qui seraient des voyageurs romantiques et qui manifesteraient essentiellement leurs émotions, leurs sentiments, leurs aventures, comme dit Chateaubriand dans la troisième préface de l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui publie en 1811. Donc ce serait vraiment un moment important. Après, c'est souvent un voyage, et évidemment c'est pas le thème de la semaine, mais c'est souvent un voyage en Égypte et en Terre Sainte. Et du coup, quand on part, alors évidemment, on a cette expédition d'Égypte qui est un peu, pour le coup, une sorte de massif énorme, mais qui nous cache aussi pas mal d'autres façons de voyager. Chateaubriand lui-même, en fait, part d'abord à Jérusalem. Avant de nous parler d'autre chose, Flaubert et Ducamp par la suite vont également aller en Égypte, puis ensuite en Terre Sainte, Lamartine aussi au Liban. Donc il faut voir ce que peut représenter de ce point de vue-là un voyage qui est pas exactement centré sur l'Égypte, mais qui va vers l'Orient. Alors qu'est-ce que c'est l'Orient pour les gens du début du 19e siècle? Il y a plein de façons de le définir, et notamment évidemment, cette immense imprécision du terme qui fait que quand on est dans le nord de l'Afrique, on est en Orient, et que parfois quand on est en Espagne, même on est un peu en Orient. Mais il y a une symbolique de l'Orient qui est liée à tout ce qu'on a derrière la course du soleil. Le soleil se lève à l'est, le soleil se couche à l'ouest, et pour tout un tas de philosophies de l'histoire qui apparaissent au tournant des 18e et 19e siècles, dont un exemple magnifique est fourni par Michelet dans l'introduction à son introduction à l'histoire de l'humanité. Cette course du soleil, c'est en réalité la course de l'humanité. Donc l'humanité, ce serait elle-même, la civilisation de l'humanité, ce serait elle-même née à l'est. Alors en Inde, dans ce que Michelet appelle le « the womb of the world », la matrice du monde. Et puis par la suite, au fur et à mesure de la course du soleil, elle serait ensuite passée de l'Inde à la Mésopotamie, enfin à l'Égypte, à la Palestine, à la Grèce, à Rome. Et en ce début du 19e siècle, elle serait actuellement, le soleil de la civilisation serait au-dessus de l'Europe occidentale. Et évidemment, pour chaque pays. Pour Michelet qui est français, c'est la France. Pour Herder, ce sera plutôt l'Allemagne. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, faire le trajet en sens inverse, partir en Orient, c'est pas seulement faire un voyage dans l'espace, c'est aussi faire un voyage dans le temps en remontant le cours du temps et en allant en direction des origines de l'humanité. Là, on est sur cette question égyptienne qui, évidemment, nous renvoie aux pyramides et à toute cette histoire très antique. Si vous êtes en Terre Sainte, eh ben, c'est une double origine, puisque c'est à la fois vous remontez dans le temps, mais vous arrivez aussi au lieu où le divin s'est révélé aux hommes en la personne de Jésus. Puis, par la suite, d'autres orientalistes, Burnouf, par exemple, vont ensuite aller chercher en Inde, l'élucidation du sanskrit, dans la découverte de l'Inde ancienne, ces origines-là. Donc ce voyage, il est chargé de tout ça. Alors ça dépasse un peu la seule question de l'Égypte, hein, mais c'est comme ça qu'on le vit à l'époque. Vous avez raison, Sylvain Wehner, il faut dépasser notre objet d'étude pour comprendre cet objet d'étude. On ne peut pas voyager en Égypte sans penser le monde plus globalement, Sarga Moussa. Oui, merci à Sylvain d'avoir resitué cela dans le contexte. Alors, de mon côté, ce que je peux faire ici, c'est peut-être préciser justement les étapes de ce voyage en Orient et en Égypte justement. C'est-à-dire, au fond, le voyage en Égypte, c'est en quelque sorte un voyage dans le voyage. Hein, c'est-à-dire qu'il est extrêmement stéréotypé. Il n'y a pas de guide du voyage en Égypte en France avant le milieu du 19e siècle. En revanche, il y a des guides anglais plutôt. Et puis, d'une manière générale, finalement, ce sont les voyageurs en réalité. Hein, certains voyageurs qui apparaissent, qui sont utilisés, reçus, lus comme des guides de voyage. Alors, je voudrais mettre l'accent sur quelques étapes qui permettent peut-être de comprendre aussi cette fascination pour l'Égypte des voyageurs. Bon, d'abord, on arrive en général à Alexandrie. Hein. Voilà, échelle du Levant, port. Hein. Donc, ville tournée vers la Méditerranée, du même coup tournée aussi un peu vers l'Europe. Ville cosmopolite, ville dans laquelle, plus on avance dans le siècle d'ailleurs, plus on met l'accent sur les différentes communautés dites levantines. Voilà, donc ça c'est une première étape. Mais pour quelqu'un comme Flaubert, que nous connaissons et apprécions beaucoup, Sylvain et moi, l'arrivée en Orient, c'est le Caire. Hein. Pour lui, c'est le passage, n'est-ce pas, d'Alexandrie via le Delta au Caire. Et une fois qu'il arrive au Caire, il a le sentiment là d'être dans un monde autre. C'est la ville des mosquées. Par exemple, c'est la ville des bazars, c'est la ville où on peut avoir véritablement, vivre une expérience d'altérité comme il le cherche, de même que Maxime Ducamp et les voyageurs de sa génération. La preuve d'ailleurs, c'est qu'ils revêtent, dès qu'ils sont au Caire, un costume oriental. Ça, c'est intéressant, hein, de se dire qu'il y a cette fascination qui pousse à se vêtir du costume oriental. Nous nous trouvons au Caire en 1849 avec Gustave Flaubert, c'est Daniel Königsberg. Dans la cour centrale, un arbre chargé d'oiseaux, nous montons au minaret. Les pierres sont rongées, déchiquetées. Sur les marches du haut, débris d'oiseaux qui sont venus mourir là, le plus haut qu'ils ont pu, presque dans l'air. De là, j'ai le Caire sous moi, à droite le désert, avec les chameaux glissant dessus et leur ombre à côté qui les escorte. En face, au-delà des prairies et du Nil, les pyramides. Le Nil est tacheté de voiles blanches. Les deux grandes voiles, entrecroisées en fichu, font ressembler le bateau à une hirondelle volant avec deux immenses ailes. Le ciel tout bleu, les éperviers tournoient autour de nous. En bas, bien loin, les hommes tout petits. Ils rampent sans bruit. La lumière liquide paraît pénétrer la surface des choses et entrer dedans. La lumière liquide de Gustave Flaubert au Caire en 1849, Serga Moussa. Il y a ici, évidemment, un texte d'un auteur. Il y met de la littérature. Mais cette littérature-là ne peut vivre que parce qu'il est ici, au Caire. C'est cette démarche de voyage qui a besoin pour Flaubert d'alimenter son désir d'écriture. Voilà. Alors, d'abord, merci pour cette magnifique lecture. J'ai choisi cette citation exprès, bien sûr, mais je veux dire par là que je n'ai pas choisi ce que on aurait pu être tenté de faire en réduisant le voyage en Égypte de Flaubert à une succession de baisades. Hein. Voilà, Flaubert est connu, à juste titre, pour cela. Mais ce n'est pas que cela non plus. Hein. Et donc j'ai exprès écarté totalement cette dimension trop connue. Flaubert n'est pas encore Flaubert quand il est en Égypte, mais lui sait qu'il veut devenir Flaubert. Il a commencé la première version de la Tentation de Saint-Antoine, qu'il a lu 3 jours durant sans interruption, juste avant le départ, échec complet. Maxime Ducamp, Louis Bouillet lui ont dit « jette ça au panier, ça ne vaut rien ». Flaubert en a conçu évidemment une très grande amertume, il a accepté provisoirement le jugement de ses amis, mais en réalité il n'a pas renoncé, et la preuve c'est qu'il écrira finalement Saint-Antoine. Donc allant en Égypte, d'abord il repense à Saint-Antoine, et on le trouve, à mon avis, même jusque dans cette citation, hein, avec cette idée de la lumière qui pénètre, qui entre dans les choses. Mais pour moi, c'est presque la fin de la Tentation de Saint-Antoine, être la matière. Hein, il y a quelque chose comme un grand rêve flaubertien là aussi. Donc, par ailleurs, outre Saint-Antoine, Flaubert est un magnifique descripteur. Hein, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est dans la veine réaliste. le début de la citation nous fait voir comme si nous y étions, un Orient dégradé, corrompu. Hein, c'est la veine du réalisme matérialiste et un peu sombre, disons, mais qui est exact. Les mosquées n'étaient pas restaurées. Enfin, on imagine bien, en y allant à l'époque, les choses devaient être un peu croupissantes, sales, ce qui n'empêchait pas la fascination, hein, et même la fascination pour ce côté dégradé. Mais c'est bien ainsi que les choses devaient se présenter. Et puis, j'ajouterai un dernier commentaire à cette citation qui, bon, me semble en effet une citation d'auteur en germe, hein, alors même qu'elle vient de ses notes de voyage, non destinées à la publication, qu'il n'a jamais publiées de son vivant. Hein, elles ne seront publiées que bien plus tard. La vue panoramique. Alors ça, c'est un sujet en soi, n'est-ce pas? Le voyageur situé sur une éminence. Alors, dans une conception, disons, de la critique qu'on pourrait dire postcoloniale, on pointerait tout de suite un fantasme totalisant et on pourrait aller dans le sens, disons, d'une sorte d'appropriation symbolique du paysage. C'est vrai en partie, je pense, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une sorte d'œil dominateur qui nous décrit l'ensemble du paysage. Mais cet œil déminateur n'a aucune implication, à mon avis, aucune politique, idéologique, impérialiste et coloniale chez Flaubert. C'est plutôt l'idée de tout voir. Hein, tout voir. Et puis, cet œil impérialiste, hein, entre guillemets, impérial peut-être, je ne sais pas, comme ces oiseaux qui meurent en l'air, n'est-ce pas, hein, ces oiseaux presque symboliques qui viennent mourir le plus haut possible, oui, cet œil aussi, ce qu'il montre, c'est la petitesse de l'homme. Ça, c'est très moderne. Voilà, c'est quelque chose que, je ne sais pas, un Nicolas Bouvier dans L'Usage du Monde apprécierait. L'homme n'est rien, l'homme est une petite chose, il est inclus dans la nature. Tout voir, mais Flaubert ne voyage pas seul, il voyage avec Maxime Ducamp. Écrire ou photographier Flaubert et Ducamp en Égypte, c'est votre ouvrage Sylvain Vénère. Il y a la photographie dans cette histoire-là, le regard porté par l'écrivain est enrichi ici du regard porté par Maxime Ducamp qui se fait photographe. Y a-t-il un lien à tirer entre les deux? Oh, oui, bien sûr. Et puis, il y a beaucoup de choses, parce qu'effectivement, cet œil, enfin, ce regard surplombant, c'est un vieux conseil qu'on donne aux voyageurs. Hein, Jonathan Swift disait déjà ça. La première chose que vous faites quand vous arrivez dans une ville nouvelle, vous montez sur la plus haute tour pour vous faire une idée de la façon dont la ville s'organise. Et puis, effectivement, quand on est tout en haut, ben, les individus ont l'air tout petits. Il faut dire aussi que ces mosquées, cet orientalisme qui va devenir très égyptien, ça procède aussi de quelque chose qui est hors champ, qui est à ce moment-là, donc on est en 1849-1850, il faut comprendre ce qui s'est passé du point de vue de tous ces voyageurs qui appartiennent systématiquement aux élites sociales, hein, évidemment, jusque dans les années, à partir des années de la seconde moitié du 18e et jusque dans les années 1830, on avait élargi le voyage classique de l'Italie en direction de la Grèce, et en Grèce, jusqu'au début des années 1830, vous voyez la même chose. Et c'est à partir du moment où la Grèce devient indépendante que le nouvel état du roi Othon se lance dans une opération de blanchiment de la Grèce, où on transforme Athènes en une ville de marbre blanc, dont la blancheur est destinée à manifester son intégration justement à l'Europe à partir de l'indépendance. Et Chateaubriand, quand il voyage en Grèce à la fin des années 1800, lui, il voit des mosquées, il voit à peu près la même chose que ce qu'on verrait au Caire dans les années 1840. Donc ça crée aussi cette spécificité égyptienne à ce moment-là qui devient quelque chose de qui récupère cet exotisme qu'on pouvait trouver ailleurs jusque dans les années 1820-1830. Et puis alors après, il faut voir ce qu'on en fait, parce que la particularité d'un voyage en 1849-1850, c'est que depuis 1839, on a le daguerréotype, et que depuis 1800, à peu près le même moment, enfin disons 1840-1841, on a le calotype. Et donc on peut, à partir du moment où on en a les moyens financiers et où on fait l'énorme effort de s'investir dans la technique nouvelle de la photographie, on peut rapporter des images qui ne sont pas justement ces images typiquement littéraires qu'on a entendues dans la citation tout à l'heure. Et ça, ça crée un me semble-t-il, un conflit intéressant précisément parce qu'il se passe au moment où apparaissent toutes ces techniques-là et qui est encore notre conflit à nous. Quand vous partez en voyage, qu'est-ce que vous envoyez ? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent, on a des blogs. Mais quand moi j'étais jeune, quand on partait en voyage, qu'est-ce qu'on faisait ? Est-ce qu'on envoie une carte postale ? Et du coup, on a une image, une photographie, ou est-ce qu'on se contente d'envoyer une lettre, et auquel cas on n'a pas d'image ? Et qu'est-ce qu'on fait de ses propres photographies ? Bon, toutes ces questions se trouvent posées à ce moment-là. Quelle est la meilleure des représentations de la réalité. Or, quand on crée la photographie, quand on invente, comme le disait François Brunet, la photographie ou l'idée de photographie en 1839, on l'invente avec cette idée que c'est la représentation la plus exacte de la réalité. Ce qui est évidemment une pure représentation au moment où on le décrète, puisque à ce moment-là, ben d'abord, elle est en noir et blanc, la photographie, alors que la réalité n'est pas en noir et blanc, et puis que vous ne pouvez saisir que des objets absolument inanimés, vous n'avez pas les nuages dans le ciel, vous avez très peu de personnages, enfin, en tout cas, il ne faut pas qu'ils bougent. Donc c'est compliqué. Et Ducamp fait l'effort de se faire initier à cette technique photographique et de partir avec tout un appareillage. Enfin, le moderne, à ce moment-là, c'est lui. Il a déjà publié un récit de voyage avant de partir en Égypte. Il va en publier deux à l'issue du voyage avec Gustave Flaubert. Il faut se souvenir qu'en 1857, quand Baudelaire publie Les Fleurs du Mal, le dernier poème des Fleurs du Mal s'appelle Le Voyage et il est dédié à Maxime Ducamp. Ducamp est en train de se faire un nom dans le domaine de la littérature de voyage, ce qui n'est pas le cas de Flaubert, qui, à l'époque, comme l'a dit Sargamoussa, n'est pas encore Flaubert, et qui, de toute façon, ne voudra jamais être Flaubert le voyageur. Il fera partie, toute sa vie, Flaubert, des gens qui, comme Barbé d'Aurevilly, diront que la littérature de voyage, c'est le degré zéro de la littérature, puisque on n'agence pas dans un récit de voyage. On suit son itinéraire, on n'a pas de construction, donc c'est de la sous-littérature. Et Ducamp, Flaubert, quand il va lire le récit de Ducamp, il va le trouver archiplat, curieux de nullité, dit-il. Et parce que lui ne refuse absolument ce genre de littérature. Et la question, c'est ce combat entre les images que peut rapporter l'appareil photographique et les images qui peuvent naître du style. Il faut savoir que c'est une métaphore importante à l'époque. Théophile Gautier part en Espagne juste après la création du daguerréotype, 1839-1840, il dit de l'écrivain en voyage qu'il doit être daguerréotypeur littéraire. Il s'agit vraiment d'être soi-même un appareil photographique. Mais Sylvain Vénère, les questions que vous posez, c'est vrai, ou que se sont posées Flaubert et surtout Maxime Ducamp, sont celles aujourd'hui des gens qui visitent. Nous le savons tous, au moment de photographier le monument, devons-nous attendre que tout le monde soit parti pour avoir le monument pur, ou bien photographier la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une foule devant. Que fait Maxime Ducamp ? Maxime Ducamp fait, alors d'une certaine façon, là pour le coup, il n'innove pas. C'est-à-dire qu'il va prendre des photographies uniquement des monuments. Aujourd'hui, c'est presque décevant, parce que ce qui nous plaît le plus quand on voit des photographies de cette époque de la première photographie, c'est de voir comment les gens étaient habillés, à quoi ressemble une rue, à quoi ressemblerait une rue du Caire, mais pas du tout. On va photographier les grands monuments de Thèbes, on va photographier le Sphinx, on va photographier les pyramides avec personne devant. Et quand, par hasard, il y a quelqu'un devant, c'est uniquement pour fournir une échelle. Et d'une certaine façon, c'est un peu déjà ce que faisait Chateaubriand quand il voyageait en Orient, puisque en Grèce en particulier, dans cette Grèce d'avant le roi Othon, d'avant l'indépendance, dans cette Grèce qui était si orientale, Chateaubriand disait qu'il voyageait pour aller voir les Grecs qui étaient morts. Les Grecs qui étaient vivants n'intéressaient pas du tout. Et d'une certaine façon, c'est ça que fait Ducamp. Il prend des photographies des Égyptiens qui sont morts, mais pas des Égyptiens qui sont vivants. Oui, c'est ça qui est fascinant toujours, c'est cette motivation du voyage. Que part-on voir, Sargamoussa ? Que partent voir tous ces voyageurs du 19e siècle ? Y a-t-il un fil conducteur dans tous ces récits de voyage ? C'est le désir d'aventure, le désir de découvrir un passé qui fait fantasmer. Pour l'Égypte, c'est une évidence, tant ce monde-là est mystérieux. Alors, c'est les deux à la fois, et je pense que c'est notamment pour ça que l'Égypte fascine tant et qu'elle a peut-être un statut un peu à part dans l'itinéraire, disons, des traditionnels du voyage en Orient, du bassin oriental de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, dans une ville comme le Caire, ce qui ne figure pas sur les photos de Ducamp, comme le rappelait Sylvain, hein, c'est-à-dire une ville déjà grouillante, plaisante, où l'on va volontiers à l'époque du Ramadan, par exemple, comme Nerval, où l'on peut se perdre dans de petites ruelles, où l'on peut suivre un mariage, se laisser emporter, où l'on essaye de suivre telle ou telle femme. Bon, voilà, ça c'est le côté aventure, pittoresque, exotisant, où l'on peut même aller au marché aux esclaves. Hein, c'est ce qu'a fait Nerval, même si son personnage, le personnage qu'il décrit dans Les femmes du Caire, la première partie du Voyage en Orient, n'est pas exactement lui-même. Hein, ce n'est pas Nerval qui a acheté une esclave, mais c'est son compagnon de voyage en réalité. Mais il y a bel et bien eu cela. Hein. C'est cela le Caire aussi, c'est le Caire qu'on peut découvrir dans les années 1840. Et puis, il y a ce qu'on n'a pas encore abordé, il faut que nous l'abordions dans cette émission, c'est toute la partie remontée du Nil. Alors là, c'est la plongée dans le passé. Là, c'est clairement hein, quelque chose comme une remontée dans à la fois dans l'espace et dans le temps. Hein. J'ajoute aussi, parce que là, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est important, qu'au terme de ce périple que Denon avait, au fond, été le premier à rendre visible, n'est-ce pas ? Il est allé jusqu'à Assouan. Après, les voyageurs Flaubert et Ducamp vont jusqu'à la seconde cataracte, qui est en Nubie, dans le Soudan actuel. Mais disons, il est allé au moins jusqu'à Assouan, qui est déjà en Nubie. Eh bien, on est là dans une Afrique noire. Hein, noir au sens propre du terme, pas noir au sens de Volney, mais où les populations sont noires. Autrement dit, une Égypte tournée vers l'Afrique, vers le subsaharienne. Hein. Et donc là, si vous voulez, l'expérience d'altérité, évidemment, est très forte, elle est même renforcée, elle est construite, elle est surjouée. Avant d'arriver là, il y a la visite des temples. On s'arrête en voyageant dans une dahabiyeh, et à différentes étapes, dont la principale est le site de l'ancienne Thèbes. Le site de l'ancienne Thèbes, bien sûr, il y a tous ces sites que nous connaissons aujourd'hui de nom, bien sûr, sans savoir toujours les situer sur la carte, mais c'est vrai, il faut descendre de plus en plus le Nil. Là, nous nous trouvons à Karnak. La grande salle de Karnak restera photographiée dans quelques recoins obscurs de ma conscience tant que j'aurai de la mémoire. Je ferme les yeux et je la vois comme si j'y étais. Pas tout à fait comme sur un tableau, mais morceau par morceau. De la même manière que l'œil perçoit de grands objets et parcourt un champ de vision étendu. Je me trouve encore une fois parmi ces colonnes puissantes qui sont le point de départ d'allées sans fin de quelques points de vue qu'on les regarde. Je les vois enroulées dans des bandelettes d'ombre et de larges bandes de lumière. Je les vois sculptées et peintes, ornées de silhouettes de dieux et de rois, de cartouches avec des noms royaux, de représentations d'autels sacrificiels, d'animaux sacrés et d'emblèmes de la vérité et de la sagesse. Les fûts de ces colonnes sont énormes. Je me trouve au pied de l'une d'elles, ou plutôt ce qui semble en être le pied, car le dallage d'origine est enfoui à 7 pieds sous terre. 6 hommes, avec les bras étendus, se touchant seulement par les pointes des doigts, pourraient à peine en faire le tour. L'ombre qu'elle jette à 12 pieds de large, ce pourrait être celle d'une tour. Beaucoup de mystères dans ce récit. D'un passage à Karnak, nous sommes en 1873, c'est Amalia Edwards, qui était Daniel Königsberg, ou Daniel Königsberg était Amalia Edwards. Sarga Moussa, qui est cet égyptologue ? Alors voilà, je pensais qu'il était important en effet de faire entendre d'abord une femme voyageuse, il y en a, et elle s'inscrit, hein, on va dire pour faire bref, hein, dans un courant de renforcement, d'accroissement de ces femmes voyageuses au XIXe siècle. L'une des premières est Sarah Belzoni, qui accompagne le célèbre égyptologue Belzoni. Mais il y en a d'autres. Il y a la comtesse de Gasparin, il y a Olympe Audouard, il y a Louise Collet. Alors, donc voilà, il y a toute une tradition de femmes voyageuses qui souvent prétendent, et non seulement prétendent, mais effectivement ont un accès privilégié à certains lieux, comme les harems, par exemple. Alors là, Amalia Edwards se distingue de cette tradition parce que elle, ce n'est pas du tout son affaire. Hein. Elle est bien une femme, émancipée, se revendiquant comme telle, ce sera même une suffragette, hein, donc cette dimension ne doit pas être sous-évaluée, mais ce qui l'intéresse, c'est l'égyptologie, c'est être reconnue dans un monde d'hommes, et elle y parviendra fort bien, hein, elle est celle qui va créer un fonds, l'Egypt Exploration Fund, hein, grâce auquel une chaire va être créée, hein, une chaire d'égyptologie, rien de moins que cela, en Angleterre. Elle fait tout cela à la suite de ce voyage de 1873-74, dans lequel il y a cette halte extraordinaire, effectivement, à Karnak, dont le temple est de proportions absolument colossales. C'est cette dimension qu'elle souligne, et ce qui est intéressant pour faire le lien avec Maxime Ducamp et la photographie, c'est qu'elle revient, pour décrire ce temple, elle en donne une image intérieure. Elle nous oblige à revenir dans sa propre conscience et ensuite elle le décrit comme une succession de photographies juxtaposées les unes à côté des autres. Elle invente d'une certaine façon déjà l'image animée qui n'existe pas encore. C'est une sublime image de cette image animée Sargamoussa, Karnak qui restera photographiée dans quelques recoins obscurs de sa mémoire, dit-elle. Sylvain Vénère. Oui, deux mots tout de même, parce que à ce moment-là, on est donc dans les années 1870, les choses ont un petit peu changé, il faut finir là-dessus, je crois, parce que pour revenir malgré tout sur cette dimension impérialiste de ces voyages, qui n'est peut-être pas présente au début du 19e siècle, mais qui l'est évidemment à la fin. Au début des années 1870, l'Égypte et la France veulent, pour le coup, ont des visées d'appropriation ou de domination sur l'Égypte. En 1869, l'agence Cook, pour la première fois, a installé un service de bateau à vapeur sur le Nil. En théorie, bien sûr, c'est pour les touristes qui peuvent remonter comme ça le Nil jusqu'à la première cataracte. Mais derrière, il y a un plan. Et ce plan, c'est celui qui finira par aboutir en 1882 au bombardement d'Alexandrie, à la mainmise britannique sur l'Égypte, à l'utilisation des bateaux à vapeur Cook par les troupes britanniques quand il s'agira ensuite de partir en direction du Soudan en 1885. Donc, ce qui n'était pas présent au départ, en tout cas, évidemment, ça l'était à l'époque de Napoléon Bonaparte, mais ce qui n'était peut-être pas à l'époque de Chateaubriand, à l'époque de Flaubert, le devient évidemment à la fin du 19e siècle. Et cette passion pour l'Égypte, on ne peut plus faire comme si elle ne s'accompagnait pas aussi d'un projet politique. C'est très important de le souligner, 1869, c'est l'inauguration du canal de Suez. Ça y est, Sylvain Vénère, nous sommes dans un monde de touristes pour beaucoup. Ça y est, l'Égypte est entrée maintenant dans les possibles. C'est un monde accessible. C'est là où on se dit on peut peut-être aller plus loin vers l'Inde. Ah oui, bah le canal de Suez, en fait, c'est plutôt en fait toute l'Asie qui va rentrer dans un monde de possibles pour les touristes, mais c'est surtout un changement, un bouleversement géopolitique considérable, puisqu'à partir du moment du canal de Suez, on renonce définitivement au passage par le cap de Bonne-Espérance. Il faut absolument, pour l'Angleterre, contrôler ce canal parce que c'est la route des Indes. Les changements d'alliance vont être décisifs. Hein. C'est le moment où l'Angleterre va finir par abandonner l'Empire ottoman pour d'autres alliances parce qu'on n'aura plus besoin de l'Empire ottoman si on contrôle le canal de Suez. Enfin, tout change après 1869. Et c'est un monde que l'on aime découvrir, ben notamment avec ces deux regards complètement différents, Flaubert et Maxime Ducamp, ben Sylvain Vénère, écrire ou photographier, on peut vous lire, puis lire hein, tous vos travaux sur le panorama du voyage. Et puis merci beaucoup à vous aussi Sargamoussa, avec cette poésie et l'orientalisme que vous avez co-dirigé avec Michel Murat, cette réflexion sur le mythe du Bédouin. Et ça, c'est aussi ce grand monde qui nous intéresse, et puis voyager entre les mots et le monde, l'ouvrage que vous venez de diriger. Merci beaucoup à vous deux de ce voyage. Et nous retrouvons pour un autre voyage tout de suite Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Qu'est-ce que l'histoire globale ? Dans plusieurs de mes chroniques, j'ai tenté de présenter aux auditeurs ce qu'il est convenu d'appeler des courants de la recherche historique, comme la micro-histoire, la socio-histoire, l'histoire des mentalités, etc. J'ai attiré l'attention sur le fait que les noms donnés à ces courants devaient être vus comme des labels assez larges, regroupant des recherches empiriques n'ayant souvent entre elles qu'un vague air de famille. Ce qui m'a frappé en étudiant l'histoire de ces labels, c'est leur caractère éphémère, car leur durée de vie dépasse rarement une génération. Pour s'imposer dans notre métier, il faut que les plus jeunes se démarquent des anciens en proposant de nouvelles orientations qui sont désignées par de nouveaux mots. Cette tendance est particulièrement visible aux États-Unis, avec l'usage constant du mot « tournant », « turn », pour nommer l'innovation. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup chez les historiens du « linguistic turn », aujourd'hui, les partisans de l'histoire globale se réfèrent fréquemment au « spatial turn ». Pour qu'un nouveau domaine de recherche prenne une réelle consistance, il faut aussi qu'il soit porté par une nouvelle revue scientifique. C'est le cas pour l'histoire globale, puisque le « Journal of Global History » est né en 2006. Ce domaine d'étude peut être vu comme l'antithèse de la micro-histoire, parce que l'échelle d'observation des phénomènes se situe à un niveau mondial et non local. C'est aussi un courant de recherche qui s'écarte des travaux inscrits dans un cadre national, puisqu'il privilégie les modes d'interaction et d'interdépendance entre les sociétés au-delà des découpages étatiques. Ces nouveaux regards ont permis de multiplier les recherches sur des questions encore peu étudiées, comme l'histoire du climat, la circulation des biens et des messages, le développement des réseaux humains sur des échelles variées. Sous l'impulsion des historiens travaillant dans d'autres continents que l'Europe, notamment en Afrique et en Asie, l'histoire globale se donne aussi pour but de rompre avec le prisme européen qui a longtemps dominé l'historiographie mondiale. Néanmoins, comme tout courant de recherche, celui-ci a des limites. La première tient au fait que l'objet propre de l'histoire globale n'est pas clairement défini. Les différences avec la World History, qui dispose de sa propre revue depuis 1990, sont peu perceptibles, à tel point que les historiens anglo-saxons utilisent souvent les deux termes indifféremment. Il faut rappeler aussi qu'un nouveau courant de recherche est comme un projecteur qu'on allume pour éclairer certains phénomènes du passé au détriment des autres qui restent dans l'ombre. Pour prendre un exemple dans le domaine que je connais le mieux, les recherches se réclamant de l'histoire globale étudient les phénomènes migratoires à l'échelle mondiale, ce qui complète et renouvelle les connaissances produites auparavant sur ce sujet. Le risque, c'est d'oublier ou de minimiser le rôle essentiel que jouent encore les États nationaux dans les relations de pouvoir qui entravent la libre circulation des hommes. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Émission préparée par Marion Ducoin, de Saint-Viudel, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. À écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.